Faro. Yeah, hein. Moi j'en ai eu des peines de cœur, cette terre est nulle, faites taire ces muses. Ou je leur dirai ce qu'elles veulent entendre si ça me permet de me faire ces us. Je suis tout le temps en guerre, c'est nul. Pose la mèche à hauteur coup, faut l'admettre, la trotteuse tourne, je l'ai en travers, mais je percerai plus. Je m'esquive direct en crise qui d'aide, mille vis qui m'aident. Mais vu ce qu'ils mettent, on piétine l'herbe, une vie skinette sous whisky miel. A vous la grogne, partout ça brûlera, chaque ça tire. Solitaire, je rappe pour ma pomme, pas pour que ça pue, diable à chaque ligne. Nos peurs se déchaînent, mais ce qu'on fait tard éteindra le trait. Faut se montrer fiable et fin stratège, même quand y a des odeurs d'échec. Petit gars, je t'éclate, je les voyais démons sans accroche. Si je rappais pas, je noirais mes démons dans l'alcool. On se méfie de tout, des grands bavards au type trop vieux. C'est genre malfrat, débile ce qu'on veut, c'est des vides bourges, pas des filles fourbes. Je retourne sous terre, forger mon urne et mon mental d'acier. Je laisse tout ouvert, forcé de conclure, c'est le moment t'as lâché. À terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. Façon de mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite lasse. A terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. De toute façon, le mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite. J'ai mes burnes, j'ai le tracé cru, même si la vie me persécute. J'aurais pas fait de belles études, il faut du vice pour faire les thunes. On m'a dit, non, si t'es pas, d'histoire est courte. Et n'espère pas de ralloche, je ressemble, baisse le regard, parce qu'il est tous comme quand de gaz galoche. On passera l'arme à gauche, on prie quand l'encre coule. On rit entre deux coups, on marche au pas quand d'autres gaz galopent. C'est pourtant simple la life, le taf, la mort, les femmes. L'alcool néfaste amorce, la drogue à force, c'est comme les schlags, il paraît. Qu'on peine à croire que nos erreurs remplissent nos crânes de sang vif. Heureux sur terre, je le nierai pas, mais je n'irai pas pour sans vie. Chacun de mes pas, je m'enrage à fuir ce passé flou. Je constate qu'on passe pour fou, qu'on se remet pas comme quand une page s'arrache. Un mal chronique, y'a pas de logique, alors crochette se vise. Oui, je prendrai le chromie pour un son triste ou une pochette de disque. Une vue bien terne de ce qu'est le monde et leur grande plage à chier. Six pieds sous terre ou des hommes tombent sans un mental d'acier. À terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. De toute façon, le mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite lasse. A terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. De toute façon, le mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite lasse. Maté à Teco quand t'enquêtes sans broncher. Marcher la tête haute sans manquer de s'embroncher. Où je mêle envie, amour et ce qui s'ensuit. On est en vie, la mort c'est ce qui s'ensuit. J'écris saoulé, rarement serein. Ici douter du temps, le mépris soumet. Le ciel m'annonce rien, mais je vais douter du temps. Le danger perdure. Ici des pensées parano m'assistent. Tant d'énergie perdue, bien mieux dépensée par un homme assis qu'un arbre sans feuilles qui reste enraciné. Grande gueule, je prends le gun. Brandis l'arme quand le feu qui s'est embrasimé. On joue un poste offensif. Endurer l'exprime, torturer d'esprit, on cause qu'offensif. L'avenir c'est faire des choix, on les frappe face aux gédants. Style naufrage, vie notre âge, triste enfer et joie, on les crache face aux gédants. Les miens sanglants, ça gratte sa peine, mental d'acier cortène. L'humain s'en branle, tant que courir à sa perte, n'entame pas ses cortèses. D'acier, semblant d'écoute, au fin du trou, je reste irascible, étant la cible de ce monde de fou, bien la proie d'un carnassier. Comprends qu'avec le temps, la mauvaise graine a pris racine et pousse des larmes et des rengaines au bout de ses branches comme un acier. A terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. De toute façon, le mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite lasse. A terme, les grands s'effondrent, l'attente est perspicace. Adepte des pensées sont rarement l'éclair s'y passe. Les douleurs se font sentir, bien qu'on paraisse robuste. De toute façon, le mal les occupe, pas le temps, ce qui m'excite lasse.